Le bicarbonate de soude est généralement utilisé pour faire de la pâtisserie, mais dans le cadre du Ferment Lab, nous en avons eu besoin pour réaliser les lettres d'amour bactériennes, car il permet de créer des solutions alcalines. Et donc, lorsque nous avons fait bouillir, par exemple, les orties, nous avons mis du bicarbonate de soude pour aider à séparer la cellulose du reste des substances présentes, afin de pouvoir faire des fibres qui vont mieux s'agréger les unes aux autres.